petite annonce que j'aime beaucoup. Un nouveau professeur voyant. Ah, ça faisait longtemps. Vous êtes ceux qui sont dans les magazines gratuits. Exactement. Ouh, celui-là s'appelle le professeur Bah. Comme on a qu'à dire qu'on est plusieurs. Bah, monsieur Beu, monsieur Bi, monsieur Beau. Comme ça, nous sommes le grand groupe Bababi Bobu. Attends ça. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. J'aurais voulu avoir le professeur Bah s'il est là, s'il te plaît. De la part de qui? Tu peux le passer, c'est le professeur Bu, l'appareil. Tu peux le passer? Ouais, mais je t'entends. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Je te donne ce numéro de portable. D'accord, je prends le numéro de portable. Vas-y, vas-y. C'est le 06. Oui. 28. Oui. 57. Oui. 36. Oui. Et au début? 06. D'accord, 06, 36. Non, 06. Oui. 28. 06. Non, 36. Et non, tu viens de me dire 06. Oh là là, attends, je vais commencer, 06. Oui, oui. Mais attends, pourquoi t'as dit 06 alors que t'as dit 36? Non, c'est 06. Mais t'as dit 36. Je vais recommencer. D'accord, 36. Non, je vais recommencer 06. D'accord, 36. Non, c'est pas 36, c'est 06. 36. Non, c'est pas 36, c'est quand même. Mais tu es où de 36? Non, 57. On reprend depuis le début parce que tu as été confuse. Alors, 06. Oui. 36. Non. Ah, c'est 14 au début. Non, c'est 06. Écoute-moi, c'est... Oui. On va recommencer. D'accord. Depuis où? C'est 06. Alors, on recommence de où? Depuis le début? C'est 06, David. 06. 28. 36. Non. Et tu le mets où, le 36? 36, c'est la fin. C'est qui, ça? C'est le professeur Bu. Professeur Bu? Non, Bu. Tu vas... Je laisse le message à qui? Eh bien, monsieur Bas. Ok, tu l'appelles plus tard, alors? Non, je vais l'appeler sur le portable, puisque tu as commencé à me dire... Tu n'as même pas écrit le numéro de portable? Mais je sais l'écrire, c'est toi qui n'es pas maniéré de me le dire deux fois. Oh là là. Alors, 14-06. Non! Mais pourquoi non? Parce que c'est pas 14. C'est quoi, alors? C'est 27. Ah, d'accord. 06-27. Non! Mais tu viens de me dire que c'est pas 14 et 27! Non! Si, tu viens de le dire! Écoute-moi, je vais dire... 1-1. 0. 1-1, alors 11. Non, 0. Ah non, t'as dit 1-1, donc 11, 0. C'est pas 1-1, c'est 0. Mais pourquoi t'as dit 1-1 alors? Tu as des tocs ou quoi? Tu as dit 1-1. Non, tu mets 0 et 6. 1-1. D'accord, alors donc 0. Et 6. Et 6. 27. Non. 1-1. Non. Ah, c'est parce que moi, j'ai des tocs, je fais 1-1. De genre 1-1, d'accord. Toi, tu donnes ton numéro, je t'appelle. D'accord, alors 06. Attends, 06. 28. 28. 57. 57. 36. Ah, c'est là le numéro d'amitié aussi. Mais non, c'est le mien. Si, c'est pareil. Mais... Appelle ce numéro, appelle ça. Ouh, je te jure que c'est le mien. Alors maintenant, je te note le numéro du tien. Alors, c'est 06. Oui. 28. Oui. 36. Oui. 57. Oui. 11. Non. Si. Le premier là, c'est ça le numéro d'amitié. Ah d'accord, bon, on a le même alors. Quand tu appelles ça, tu n'oublies pas quand même ton numéro. Bah c'est celui-là, je l'ai donné. Ton numéro, tu connais quand même? Non. Bah si, c'est ça que tu m'as donné là. Alors 14, 06, 28, non, 36... Non, c'est 06. Ah oui, le mien de numéro, mais j'ai pas compris, 06... Oui. 22... Non, le premier que tu m'as donné. Ça m'étonnerait bien. Non, ça ne m'étonnait pas du tout, c'est ça. Bon, écoute, c'est pas grave, je rappellerai, hein. Ton nom aussi. Alors, le professeur Bu. Professeur quoi? Bu. Bu? Bu. Bu? Non, professeur Bu. Écoute, tu répètes quoi? Bu. Avec avec un B. Oui. Un U. Oui. Un U un peu plus petit. Oui. Un plus petit U. Oui. Et à la fin, un tout petit U. Oh là là. Ça fait Bu. Oh, c'est pas ça. Tu dis un professeur Bu. Bu. Bu, ça s'écrit P-U. Bu. Oh, tu dis beaucoup là. Ça fait bu. Comme ton dent. Comme ton dent, tout pareil. Non, comme ton dent. Comme ton dent, tout pareil. Comme ton dent, tout pareil. Comme ton dent. Voilà. Je te rappellerai, d'accord, parce que je te trouve charmante et adorable. Moi? Oui. Oh là, ne dites pas ça, moi je suis mariée. Eh bien, tu vous êtes mariée, mais belle et adorable. D'accord? Oui. Mais c'est entre nous ce petit compliment. Bon, je te fais une bise. Une bise, moi? Une bise du professeur Bu. À bientôt. Oui. Au revoir. Oui. Je t'embrasse. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt, ça me fait plaisir. Ouais. Au revoir. Oh là là, le monsieur. Oh là là, le monsieur.